Tant qu'il y aura de la connerie dans l'air, il y aura de la douleur, mec, car on est dans l'air. Des hommes où l'espoir est un couleur, ça m'a tout l'air d'être un peu tard, y'aura pas de sauveur. Donc réfugie-toi dans ton pétard. Pour l'heure, je veux bien être ouvert, mais je sais pas vers où on va, je veux pas être trop vert. Quand je verrai la mort quitter nos pas, je veux pas être over. Avant l'âge, 24 piges, ça fait lège. Sachant que je suis de la victime d'un sortilège, je veux être averti quand ça viendra voir à travers tout. Comprendre le monde sans être pris de vertige, car on est avorton. Mais moi je veux connaître d'abord ton but dans cette vie, si ce n'est mal que nous apportons. Alors je savoure, m'entends même si j'avoue qu'il s'avère que tous les jours sont noirs, durs et amers. Mais je persévère, je lutte pour que ça vire dans le vert, en espérant que ça puisse servir. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. Tant qu'on a tous du flouze, on se fout pas mal des autres. Si on est que des losers, 12 heures sur 12, je dirais que j'ai le blues. L'ami, tu sais ce que vaut la vie, rien, je te donne juste mon avis. Le monde est fou comme dans Tex Avery. Alors j'écris des phases dures, mais mec, je peux rien y faire. C'est cette putain de basse que je préfère. C'est cette R, cette base où je me réfère. Qui se répète, ce beat, ce 11 qui tourne autour de la caisse claire. Tu captes un peu ce que j'ai envie de dire. Mon vieux, c'est profite avant de mourir. Car trop vite arrive le pire, c'est con, mais faudra partir. Alors pourquoi tu t'en tires bien, sachant qu'ailleurs dans le monde on meurt de faim. Des millions de tous sont claqués dans la merde. Je prendrai mon pied à voir la gueule d'un fourche quand il vient de tout perdre. J'aimerais les égorger, ces ignorants, et rentrer tous ces porcs. Je suis écœuré du mal et du bien mourant. De jour en jour on devient plus con, parce qu'on évolue pas dans le bon sens. Parce que l'esprit est gainé de plomb. Gainé de plomb. Gainé de plomb. Gainé de plomb. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. De jour en jour on devient plus con, parce qu'on évolue pas dans le bon sens. Parce que l'esprit est gainé de plomb, il s'enferme dans un monde qu'il ne comprend pas, il prend part à chaque défaut qui constitue ses remparts. Et ça repart, toutes ces conneries qu'il absorbe. Il y prend coup, ça crée le désordre et devient absurde. J't'assure, j't'absurde, des neurones complètement grillés. Cette race pense qu'elle est en train de briller, alors qu'elle s'éteint. La première espèce sur Terre a provoqué sa chute et s'anéantir. J'suis pas le seul à connaître ses vérités. Ceux qui savent attendre que le mal use de sa sévérité. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes. On est tous acteurs, chacun est fautif. J'ai réglé mes capteurs sur les mecs fictifs. C'est moi le nouveau facteur, j'apporte les mauvaises nouvelles. Les anges nous laissent tomber pour que se reposent leurs ailes.